Sont-ils des geeks? Sont-ils fanboys? Sont-ils des otaku? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fabien. Mercredi est sorti nouvel épisode de Star Wars, donc Les Derniers Jedi. Le film est donc réalisé par Rian Johnson, qui succède à J.J. Abrams pour l'épisode 7, Le Réveil de la Force. On retrouve au générique Mark Hamill dans le rôle de Luke Skywalker, Daisy Ridley dans celui de Rey, Adam Driver qui rejoue Kylo Ren, Oscar Isaac dans le rôle de Poe Dameron, John Boyega dans le rôle de Finn, et aussi la défunte Carrie Fisher dans le rôle de la générale, maintenant Leia Solo. Voilà pour un peu pour la présentation. Faut dire savoir que c'est le film le plus long de la franchise. C'est aux alentours de 2h30 de spectacle quand même qu'on a droit. On tenait à vous faire un premier avis. Et donc je le laisse la parole à mon collègue Teddy qui va un peu lancer le débat. Alors premier avis sur le commencement de la mort de la franchise de Star Wars. Voilà, rien qu'avec cette phrase, vous allez commencer à comprendre un peu là où on veut en venir. On va commencer par ce qui est bien dans ce film. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va passer. Arrête de troller, s'il te plaît. On va commencer par ce qui était bien dans ce film. Bon, c'est un divertissement quand même long, hein, 2h32. Ouais. Des scènes de bataille correctes, on va pas dire fantastiques, mais correctes. Un humour correct aussi, mais pas fantastique non plus. Des personnages. Encore une fois, on a du mal à s'attacher à ces personnages, peut-être parce qu'on les connaît moins. Bon, on s'attache peut-être plus au passage avec Luke et avec Leia. Des scènes d'action qui manquent de goût, qui manquent de structure. Voilà, puis les personnages qu'on nous présente, Kylo Ren, le général Hux ou d'autres, on s'y attache pas, on n'arrive pas vraiment à s'y attacher. Le film avec beaucoup de ventre mou, j'ai trouvé, beaucoup de passages à vide, des scènes d'action qui valent quand même la peine d'être vues, mais on a déjà connu mieux dans les franchises Star Wars, même dans les franchises des années 80, hein, y a pas de souci. Moi, je suis sur un aspect un peu mitigé au niveau de Star Wars. Je sais quoi en penser, mais c'est pas quelque chose qui va faire plaisir aux fans. Ouais, t'as tout à fait raison, parce que tu revenais sur les personnages, surtout ceux du premier ordre. Moi, je les trouve complètement ridicules, parce que quand t'as Hux dans le début qui commence à dire « Allô, allô, est-ce que vous êtes au bout du tuyau ?» Ça fait penser carrément à la folle histoire de l'espace, tu vois. Même, on va revenir aussi sur Phasma, on se demande ce qu'elle fait, quoi. C'est vraiment la figurante. Alors qu'on nous a présenté, teasé un petit peu un personnage dans la tradition de Boba Fett, je vais dire, un peu badass, quoi. On va développer déjà une première partie sans spoilers, mais après on se déchaînera un petit peu sur la partie spoilers. Bon, moi dans l'ensemble, je me suis un petit peu ennuyé, je dois avouer que de toute façon, j'avais pas du tout apprécié le numéro 7, à part pour la présence d'Harrison Ford. Dans l'ensemble, c'est vrai que moi j'ai trouvé que c'était un divertissement assez fade, beaucoup de facilité scénaristique, du fan service quasiment toutes les scènes. C'est lourd, c'est appuyé, c'est pour un fan de Star Wars de la première heure, je dirais en plus il y a beaucoup de recyclage de petits arcs narratifs qu'on a connu bien meilleurs. Puis peut-être que t'as apprécié les batailles, mais moi j'ai trouvé que j'étais loin d'être convaincu. Visuellement c'est beau niveau bataille spatiale, le film est très bien fait, bien enrobé, mais comme je dis souvent, c'est une belle coquille vide, quoi. Bah exactement. C'était un Disney. C'était pas un film de George Lucas ou ce qu'on a l'habitude de voir. Là, on a vu un Disney. Et on n'a pas vu un grand Disney, hein. On a vu un Disney. Un Disney standard. Un film avec beaucoup de ventre mou. Des scènes de bataille qui sont quand même bien faites, mais elles durent tellement dérisoirement qu'on arrive à s'ennuyer tout le reste du film. Des personnages, les seuls qu'on est content de revoir, de toute façon, c'est l'ancienne génération. Hein. C'est des années 80, donc Luke et Leia. Les autres, on les revoit, mais il n'y a pas de magie. Il n'y a pas la magie Star Wars comme les autres qu'on a pu voir avant. Même la prélogie, je trouvais qu'il y avait un peu plus de magie, un peu plus de merveille. Et pourtant, je suis pas un fan de la prélogie. La trilogie originale, pour moi, est carrément au-dessus du lot, quoi. Déjà, c'était au-dessus du lot de la prélogie. Et là, ce film, il est en dessous de la prélogie. Donc, de l'ennui, quand même des scènes qui font plaisir à voir. Mais encore, je vais me répéter, c'est un Disney. Alors, on fait à la mode, on fait des scènes d'action. On essaye de faire 2-3 points d'humour qui tombent comme un soufflet, ce qui ne sert à rien. Parce que, comme tu dis, avec le passage de Poe Dameron, quand il fait, entre guillemets, guillemets, traîner la hotline pour dire allô, il y a quelqu'un, allô, il y a quelqu'un, pour le temps de préparer quelque chose. Et puis voilà, c'est censé être drôle, mais j'ai vu personne rire dans la salle. Enfin voilà, et beaucoup de scènes comme ça. On essaye un petit peu de faire de l'humour, ça marche pas. On essaye d'action, ça marche pas non plus vraiment. On n'arrive pas à se prendre dans le film. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, t'as deux trois. Moi, j'ai bien aimé, c'est les scènes. C'était les scènes avec les créatures diverses. Bon, les porgs, on savait que ça allait un peu générer pour les gamins, quoi. Moi, j'ai trouvé ça un petit peu drôle. Il y a aussi la course avec les fatières, les espèces de chevaux qui sont dans le casino de Cantoba. J'ai trouvé que cette scène a été assez réussie. Et puis t'as l'espèce de renard argenté là à la fin, là, sur la planète Crate. Bon, ils sont beaux, on aime bien, mais c'est du décoratif pour moi, ça. Mais dans l'ensemble, ça sent clairement le réchauffé, hein. Je sais pas ton ressentiment par rapport à l'arc narratif général du film. Moi, j'ai l'impression que bah, y a le bouillon, quoi. Bah en fait, voilà, Disney a racheté la licence, mais ils ont fait aucun effort créatif. Enfin, aucun. Ils ont essayé, mais ça tombe comme un soufflé. Y a pas de souci. Les scènes de bataille, bon, on rentrera plutôt dans la partie spoil tout à l'heure, mais c'est Oui. vrai qu'on peut des fois se demander ce qu'elles font là, et puis pourquoi les méchants, entre guillemets, agissent comme ils agissent, parce que c'est censé être quand même des gens intelligents. Et là, on a l'impression que c'est des super vilains bas de gamme d'un film pour enfants, y a pas de souci. Donc, l'impression de voir un Disney, vraiment un film Disney qui s'adresse aux 14-15 ans. Ouais, c'est ça, c'est divertissant pour ados. Je pense pas qu'on spoilera en disant que moi j'ai quand même trouvé qu'il y avait un problème dans le rapport des forces entre le Premier Ordre et la Résistance. Parce que quand tu vois le niveau technologique du Premier Ordre et l'armada, je veux dire, ultra puissante par rapport à des vaisseaux qui ont l'air de sortir quand même de la casse, tu te demandes comment ils arrivent à tenir le coup parce qu'ils se font littéralement pilonner, quoi. Ça, on en reviendra sur la partie spoil, Ouais. parce que sinon je vais être obligé de spoiler à fond D'accord. là-dessus. Mais voilà quoi, le rapport de force c'est pas vraiment un spoiler, mais si on développe c'est vrai que ça rentre dans le cadre. Mais comme tu disais, c'est vrai qu'il y avait la magie de la trilogie originale, il y avait encore cette magie dans la prélogie, même s'il y en a beaucoup qui la décrit et qui disent que Lucas n'a pas forcément réussi, il y a pas beaucoup de... C'est vrai qu'il y a un manque de subtilité dans cette prélogie, il y a des wagons qui sont raccrochés, on va dire, à coups de massue, mais il y avait encore l'esprit Star Wars, ce que je dirais l'esprit Star Wars. Là, c'est l'esprit Star Wars, c'est l'esprit, je veux dire, du mercantilisme plus que l'esprit de Star Wars. Moi, je retrouve encore un peu l'esprit Star Wars dans cette franchise, mais un peu. C'est ça le problème, c'est un peu. C'est pas du Star Wars qu'on a l'habitude de voir. Alors peut-être qu'on est réac parce que justement on a très bien aimé la prélogie originelle, donc celle des années 80, un peu plus. Enfin, moi j'avais moins aimé la prélogie des années 2000, mais alors là, bon, je pense qu'on est en train de tuer Star Wars. On est en train de tuer la franchise. Enfin, en tant que fan, moi je m'y retrouve pas là-dedans. J'arrive pas à m'intégrer à l'histoire, j'arrive pas à m'intégrer au personnage. Je passe un bon moment quand même, mais pas un bon moment, mais avec des longueurs dans le film. Ouais, c'est ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ventre mou, comme tu disais tout à l'heure. Je suis un peu étonné parce que il y a surtout la partie avec Rey et Luke que j'ai trouvé pas du tout inspirée. Je m'attendais à apprendre un peu plus sur la force et en fait, on nous ressasse un petit peu le discours de Yoda, mais un peu différemment, quoi. C'est-à-dire, bah, la force était un. Déjà, il y avait cette histoire de midi-chlorien qui a complètement disparu, apparemment. Pour reparler justement de la prélogie, c'est que il y avait aussi cette espèce d'univers créatif. On recyclait pas les X-Wing, les Faucons et les TIE Fighters et les Super Star Destroyers qui deviennent une espèce de gros vaisseau qui font 200 km de longueur. Là, c'est pareil, que ce soit, je dirais, au niveau narratif, au niveau visuel, au niveau de concept design, bah c'est du réchauffé, il y a rien qui veut. Puis de toute façon, Snoke le dit bien lui-même, Kylo Ren c'est un nouveau Vador. N'est pas Vador qui peut, quoi. Je veux dire, rien que je veux dire, les 10 minutes de scène dans Rogue One, bah, excusez-moi, mais ça déchire tout. Ça déchire l'épisode 7 et 8, rien qu'à lui. Bah là je te rejoins. Par contre, bon, pour étayer mon avis, je pense qu'on va devoir rentrer dans une section un D'accord. peu plus spoil. Donc, Donc avant de rentrer dans la section spoil, moi je propose de conclure là-dessus. Exactement, n'est pas Vador qui veut. Faire un Vador avec quelqu'un qu'on connaît pas et qui a pas de prestance, hein, faut dire ce qu'il faut. L'acteur essaye de se débrouiller Il n'y comme a il pas de faut, mais il a charisme. pas de prestance. Pas de charisme. On peut pas faire un Vador avec n'importe qui, n'importe comment, n'importe quel annoncement. Voilà, donc moi, pour conclure ma partie dans la partie non spoil, voilà un film long, quelques éléments quand même intéressants, Mais moi, ce que je retiens de ce film, moi, c'est la longueur plutôt que le divertissement. Et la vraie question, est-ce que tu saurais le revoir le film? Je pourrais le revoir, mais pas au cinéma. Je me D'accord. ferais même pas un plaisir de le revoir en DVD quand il sortira. Oui, je serais curieux de le revoir en DVD pour voir un peu ce que j'ai raté et avoir le director's cut pour voir où ils ont voulu en venir. Ouais, et est-ce que une autre question que je voulais aussi poser, c'est est-ce que tu le trouves meilleur que le 7? Alors voilà, avec ce blanc-là, on a bien compris que c'était très dur comme question. Moi, je le trouve à peu près au même niveau que le 7. Je vais avoir du mal à dire s'il est meilleur ou moins bon. Moi, je propose de revoir le 7, de regarder le 8 et après de comparer l'un après l'autre. Mais dans mon premier ressenti, je me suis plus ennuyé que dans le 7. Bah moi, je suis un peu partagé entre, je veux dire, entre le côté clair et le côté obscur, parce que j'ai mon amour pour la franchise qui perdure. Y a beaucoup de scènes qui m'ont un petit peu pris, je veux dire, il y a une espèce de chantage sentimental qui a un peu marché sur moi, sans le développer en spoiler. Et moi, je vais lancer un appel à ceux qui nous écoutent. Si vous n'êtes pas fan de Star Wars et que vous connaissez pas trop, dites-nous ce que vous en avez pensé. Parce que nous, le problème, c'est qu'on est deux fans de Star Wars. Donc, comme je disais, on n'est peut-être pas objectif. Hein, je pense quand même qu'on est assez objectif Quand parce même. que. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Si vous n'avez pas trop d'affinité avec l'univers de Star Wars, dites-nous ce que vous en avez pensé. Ça pourrait peut-être nous éclairer sur des passages qu'on aurait mal interprétés. Tout à fait d'accord avec toi. Et là, je propose de passer à la partie spoil. Tout à fait. Bon, bah, une Alors, tu petite commences? interlude et on passe à la partie spoil. Donc attaquons la partie spoiler, si tu es d'accord. Je lance le débat si tu veux bien. On va d'abord parler un peu de tout ce qui est fan service. Alors moi, tout ce que j'ai retenu, c'est beaucoup les thèmes musicaux de la trilogie originale qui reviennent. Il y a une scène d'ailleurs dans une grotte où il y a Yoda qui revient carrément. Moi, je dois dire que j'ai bien aimé une scène parce que mon Yoda, c'est un de mes personnages préférés déjà. Attends, d'abord on va se stagner si tu veux sur la partie musicale, vu que t'as l'air d'être parti là-dessus. Ouais, on a quelques parties, notamment le thème de la cantina qui est réarrangé pour le thème du casino. Donc bonjour le fan service. Le thème Vador qui est repris à peu près dans la partie Snoke et dans la partie Kylo Ah bah Ren. il est pas repris, il est carrément cité, je crois. Oui, Ouais. le thème musical qui est, bah, Ouais. il est même pas fortement réarrangé, on le reconnaît quand Non, même. non, c'est... Donc voilà, fan service niveau musical aussi. Et puis bah toujours les fonds sonores, hein, etc. Ça Ouais, mais c'est toujours au ça taquet. c'est coutumé. Mais ce que tu oublies de dire, c'est aussi le retour du thème de l'empereur dans la scène de Snoke. Ça n'a rien à voir, vu que c'est pas le même personnage. Il aurait fallu créer un thème spécifique à Snoke. Là, on prend le thème de l'empereur, tu sais, cette espèce de thème un petit peu solennel, un peu avec des chants grégoriens. Ça marchait très bien dans l'ancienne, hein. Oui, et puis en plus, c'est exactement ce que tu disais dans la première partie, c'est du réchauffé. On prend des thèmes qu'on connaît, on change les airs, on fait aucun effort créatif. Voilà, il y a Snoke qui arrive, voilà, thème de l'empereur. Un moment un peu plus loisir, entre guillemets, dans le casino, paf, le thème de la cantina. Aucun effort au niveau musical. Et le pire, c'est que bah, là, on peut enchaîner directement, aucun effort au niveau scénario non plus. Non plus parce que bon moi je vais revenir sur la musique parce que moi je suis un grand admirateur de John Williams. Je trouve qu'il a toujours fait des super BO. Déjà senti ses faiblesses dans celle de l'épisode 7 avec des thèmes, même le thème de Kylo Ren, c'est un thème détourné de la marche impériale pour moi. Quand on écoute, c'est vrai que y a rien qui ressort comme thème principal, même le thème de Rey, bon, il est un peu faiblard. Et il faut rebalancer, il faut du Luke et Leia par exemple. On entend le thème de Luke et Leia, on entend le thème de Yoda bien sûr, je parlais tout à l'heure du retour de Yoda. Je sais plus vers quoi on s'orientait du jeu là. Alors on s'est orienté dans la partie musicale, dans le thème de Yoda, le fait qu'il réchauffait et aussi qu'il n'y avait pas d'effort scénaristique. D'accord, ouais, donc pour moi c'est un peu un ratage artistique complet parce que quand tu parles de musique, tout à l'heure je disais au niveau narratif, au niveau visuel, au niveau concept et au niveau musical, si ces quatre-là ça marche pas, ça veut dire que c'est du réchauffé, pour moi c'est de la fainéantise, c'est tout. J'ai l'impression que Disney n'a pas voulu se mouiller là-dessus. On Ah prend non, il n'y a tout ce que les pas. gens ils ont bien aimé, Ouais. on le réchauffe et on le resserre. Ah, le problème, les mecs, c'est que ça s'est vu. Alors pour les fans, ça s'est vu. Enfin, il y en a qui sont encore aveugles, mais bon. Bah ouais, voilà. Donc pour les fans, ça s'est vu. Puis bah, faut arrêter. Là, vous nous prenez pour des pigeons, quoi. Enfin, pour les fans bruts, comme Bah, c'est toi ou les comme vaches à lait, moi, ouais, les vaches à ouais, lait. complètement. Venez voir, on vous resserre ce que vous avez l'habitude de manger. Ah ouais. Mais si on a envie de quelque chose de nouveau, bah, vous vous débrouillez, c'est Ouais, pas votre ouais. problème. Alors moi, c'est vrai que là, au niveau musical, artistique, et la direction qui a été prise pour tourner ce film, là, moi, je mets un gros bémol sur Disney. Ah, c'est clair que là, c'est ce carton rouge hein, pour moi. Bah, moi en plus, là, on repart sur l'épisode 7, ça m'avait moins choqué. Il y avait des thèmes et tout, et bon, c'était moins choquant. Puis ça faisait plaisir de les revoir. Mais là, vous nous réchauffez une soupe qui a déjà été réchauffée juste avant. Bah, je vais reprendre mon expression favorite. C'est bien de nous mettre des trucs qui nous plaisent, mais s'il n'y a pas de contenant. Ouais, ça, c'est une soupe avariée pour moi, mais bon, Ouais, une soupe excusez-moi, avariée, mettez de la chantilly dessus. Si la soupe hein, est avariée, on va pas la manger non on plus. peut quand même citer les facilités scénaristiques du truc, c'est-à-dire que Podamron, bah, il fait face à un espèce de gros destroyer tout seul, bah, c'était un peu le cas avec Starkiller, hein. C'est lui qui fait péter Starkiller, hein, pour ainsi dire, dans le set. Là, il y a face du truc, il balance les bombes, tous les bombardiers explosent, tout ça. Puis au dernier moment, ah, la boîte, elle tombe dans la main de la sœur de Rose, parce que c'est la sœur de Rose qui meurt dans le film. Et voilà quoi, super facilité. Qu'est-ce qu'il y a aussi la facilité? Ouais, dans le casino, quand il se barre avec l'espèce de Benicio del Toro, très grand acteur par ailleurs, mais là, il cachetonne quoi, le mec, on le voit. Moi, j'ai vu sa trahison arriver de loin, hein, pour moi. C'est un mec qui est quand même. Il est pas très net, il lui faut confiance. Moi, je me serais méfié quand même. Ça a quand même l'air d'un sacré foireux, pour rester poli. Puis bon, on va parler des vilains, mais. C'est complètement ridicule, quoi. Que ce soit Hux, qui, on dirait presque la folle histoire de l'espace, ou Phasma, qui finit. Bon, pour une fois, on voit un petit peu du visage de Phasma, mais Phasma, je sais pas quoi dire de ce personnage, parce que de toute façon, il était déjà inintéressant dans le set, là, il est encore plus, et je pense que tu vas parler de Snoke, non? Non, moi je vais revenir sur Benicio del Toro d'abord. Alors Benicio del Toro, tu vois, j'ai l'impression qu'ils ont pris l'acteur pour rentrer du cachet, comme tu disais. Et l'acteur, bah, joue son propre rôle alors, parce que le mec là, il est rentré. Le personnage joué par del Toro est là aussi pour rentrer du blé, quoi. C'est incroyable. Après tu reviens sur Phasma, voilà, une fin à l'empereur, quoi. Ouf, elle se l'envoie dans un truc, dans des flammes, on sait pas, des éclairs, et c'est une fin à l'empereur. Les autres acteurs, facilité scénaristique à fond. Y a beaucoup de trucs qui me gênent. Ouais, Snoke me gêne aussi, mais alors là, ça va être la plus grosse partie crois que critiquée la de plus Star grosse Wars connerie 8. du film, Snoke. Connerie, j'irai pas. Voici, si, je vais aller jusque-là quand même, en fait. Parce que Snoke, bah, je vais laisser le plaisir à Fabien de vous Oui, expliquer un peu. laisse-moi ce plaisir, s'il te plaît. Je vais laisser le plaisir à Donc, Fabien de vous Snoke, expliquer. le mec Oh, super. arrête de me couper! Là, c'est le fanboy déchaîné qui parle, là. Donc pour Snoke, je vais vous laisser Fabien en parler, là, il est très pressé. C'est le fanboy déchaîné qui va parler, là, parce que le mec ultra puissant, ouais, le côté obscur, tout ce que tu veux, et bah, le mec, il arrive pas à deviner que Kylo Ren est en train de l'entuber, quoi. C'est ça, clairement. Bah c'est ça qui est magique, Ouais. on apprend que Snoke est super puissant, je vois tout ce que tu penses, et il Ouais. arrive pas à voir que le mec il va le tuer. Putain, on nous prend pour... Non mais on nous prend pour des... je vais être poli, pour des imbéciles. Des Là, glo-glo, quoi. ouais, carrément, on nous Ouais. prend vraiment pour des... On nous prend pour des Ewoks. Voilà, comme ça j'ai réussi à rester poli. Ouais. Mais voilà, on a Snoke qui meurt lamentablement, mais alors, sans aucun panache, sans rien du Et ce tout... personnage, il était censé être grand, et faire peur dans le premier. Il faisait même 4 mètres de haut, si je me souviens bien, dans l'hologramme. Il traîne même Hux au début, là, il me semble aussi. Il l'étale. Et ben là, bah ouais, il prend le sabre de Luke. Et puis ça y est, que je me fais un harakiri, quoi. Comment on dit? Ouais, se faire un harakiri, en Ouais, c'est fait. ça. On nous a vendu un super méchant, il n'y a pas de problème, et puis Ouais. bah, on nous a vendu du vent. Là, littéralement, c'est-à-dire qu'il se fait couper en deux par le sabre de Luke qui se fait manipuler par Kylo Ren, quoi. Et pendant que Snoke est en train de lire l'esprit de Kylo Ren, il faut arrêter de nous prendre pour des endives, là, parce que là, il arrive un moment où... Bah, là, je suis désolé, là, les scénarios nous ont craché au visage avec ça. Non mais en plus toute la scène avec Kylo Ren qui est dans l'ascenseur avec Rey et qui arrive devant le trône, c'est exactement la même scène que dans l'épisode 6 avec quand le Vador et Luke arrivent devant l'empereur. Il réagit un peu pareil. Ouais, il y a des variations, on va dire, mais pas beaucoup, hein, entre nous. Non, moi ce que je vais juste dire, c'est que c'est pas des variations. Dans le 6, c'était super bien amené. Faut avouer ce qu'il faut. Alors, on se demandait comment ça allait tourner, on comprenait pas où les réalisateurs voulaient en venir. Les acteurs étaient bons aussi parce qu'ils arrivaient à jouer des personnages, voilà, un Luke hésitant, pas très au courant de ses nouveaux pouvoirs, où il sait pas s'il va basculer ou pas. Et là, on nous met des acteurs tout le contraire, c'est-à-dire qu'on sait exactement où ils vont. Et voilà, on le sait. Ben, en plus, on nous annonce carrément, j'ai vu ton destin, voilà, c'est toi qui vas tuer Snoke. Et puis on nous fait vraiment, ben, on nous montre quoi, voilà, c'est moi qui tue Snoke. Le mec surpuissant qui sait tout faire, qui sait manipuler et qui l'a fait envoyer où il veut, et il se fait découper en deux par un pauvre mec Bah, avec un sabre. un vulgaire, je veux dire, un vulgaire clone de Vador, parce que c'est ça, hein, Kylo Non, parce qu'un Ren. clone, c'est quelqu'un qui ressemble. Ouais. Là, non, c'est un On va dire adolescent rebelle, quoi. une espèce de ersatz. Puis j'en ai marre de ce Kylo Ren, avec ses crises d'ado prépubère, je veux dire. Quand ça va pas, il pète une machine, il tangue des gens, il les balance sur les murs, il casse son casque, il arrive pas à le casser, donc il est obligé de s'y reprendre à 30 fois. D'ailleurs, je me demande comment l'ascenseur il arrive à destination, parce que il a tout détruit tous les murs, donc déjà à la base, il y a un problème. Non, ça va, ils font du bon matériel dans, apparemment Ouais, dans l'Empire. bon. Et puis l'Empire, excuse-moi, mais ils ont rien compris ou quoi? Je sais pas, moi, il y a un truc qui va pas non plus, c'est que. Alors moi je pense qu'ils ont des phases de recrutement assez spéciales dans Ouais, non, mais l'Empire. c'est Si vous pas. dépassez un certain QI, vous n'êtes pas embauché. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, je parlais d'un truc qui m'a un peu gêné, c'est, je sais pas, les Star Destroyers, ils ont pas des boucliers, parce que quand ils balancent les bombes, ils les balancent directement sur le truc. Ils atteignent pas les boucliers, je sais pas, moi, ils ont rien, je sais pas, j'ai l'impression que le premier ordre, y a rien retenu de la défaite de l'Empire, quoi. C'est Ah ça. bah, c'est clairement ça, ils se font battre bah, toujours de la même façon, hein, que ce soit Ouais. dans Rogue One avec les Hammerheads, ou là avec les bombardiers, Le ou même par... Starkiller. T'oublies le Starkiller. Mais je commence à comprendre pourquoi ils se sont fait battre par des Ewoks, moi, il n'y a pas de souci, hein, parce que franchement, c'est incroyable, les trucs qui étaient vraiment choquants dans le numéro 3, enfin, donc Le 6. le 6 si vous préférez, bah, j'ai l'impression que je dis, ça ils ont pas aimé, bah, ok on garde. Voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment ça, quoi. Moi, bah, j'attendais à ce que les Porgs les attaquent et que ça aurait marché. Il y a un moment, je me suis dit, non, mais faut arrêter, quoi. Là, franchement, non, c'est un film qui nous prend pour des jambons, complètement. Bon, c'était excellent ce que tu disais, mais c'est vrai que les porcs, bah, ils sont un peu vicieux quand même, hein, les mecs. Ils s'insultent, ils commencent à déchiqueter les fauteuils. Je sais pas si t'as vu cette scène, mais et puis même Chewbacca, il y en a tellement marre qu'il en balance un sur le carreau, je sais pas quoi. Bon, c'était drôle cette scène, mais je sais pas, je trouve que c'est un petit peu du redondant quelque part, ces scènes-là. C'est ce que je disais en première partie, c'est les tentatives d'humour qui font rire personne. Puis bon, le prologue, je sais pas si tu l'as bien lu, le prologue? Bah, je l'ai lu, mais alors, allez, quitte à m'en Tu l'as rappeler, lu? non. Ouais, je l'ai lu, mais je Bah m'en rappelle pas. c'est le résumé du 7. En fait, t'apprends rien sur le contexte. Mais alors que dans les précédents résumés des autres épisodes, il y avait justement une intro du film. Là c'est le parce que c'est une suite directe. Hein. C'est la première fois qu'un Star Wars c'est une suite directe là. Il n'y a pas On n'a d'années qui pas sont, y a pas d'années qui sont passées entre non deux non cette il y fois-ci. a rien parce qu'on voit que Rey arrive sur la planète Acto avec Luke. D'ailleurs Luke il m'a bien fait rigoler parce qu'il prend son sabre laser. On s'attend à une réaction surprise. Et puis il te le jette là comme ça négligemment. Mais c'est vrai que Luc là-dedans, moi, il m'a surpris, Mark Hamill, parce que c'est pas Luc qu'on attendait, quoi. Le mec est complètement perdu et vas-y. Bah d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus, tu parles de Luke. C'est qui les meilleurs acteurs du film? Les anciens. Il n'y a que Carrie Carrie Fisher et Fisher. Luke, on y croit, à part quand Carrie Fisher vole dans l'espace. Mais... Alors ça aussi faut en parler, quoi. Carrie Fisher dans l'espace, faut en parler. Alors là, c'est ta gueule, c'est magique, quoi. Ah, ta gueule, c'est la force. T'as envie Non d'en mais... parler de cette scène Voilà, donc les acteurs, Mark Hamill, bon acteur dans ce film, il faut dire Ouais, ce qu'il très faut bon. quand même. Très bon. Quand il y a de l'émotion, il y a de l'émotion. Quand il y a de Quand il la y a de haine, la peine, il y a de la peine. bon. Quand il y a de la haine, il y a de la haine. Il n'est pas un peu plat comme les autres acteurs. Bon, qui sont pas non plus... C'est pas non plus des endives, hein. Ça va, on y croit quand même un peu. Mais Mark Hamill, voilà, on sent vraiment tout le talent de l'acteur derrière, ça, il n'y a pas de souci. Carrie Fisher aussi, sauf dans cette fameuse scène où elle se fait bombarder et évacuer dans l'espace. Et à un moment, elle est à moitié congelée comme Star-Lord dans les Gardiens de la Galaxie. Et elle revient en volant comme Clark Kent, donc... Et voilà, elle Alors utilise la ils ont force. parlé, excuse-moi, de. Ils ont parlé de Mary Poppins, tu vois. Ah oui, ça fait exactement Mary Poppins. Et cette scène était choquante, franchement choquante. Ah, je sais Bon. pas, une fois que t'es mort, quoi. Bah Carrie Fisher, bah voilà, c'était juste pour nous montrer qu'elle... Oh pardon, Leila, qu'elle utilise la force. Bah, qu'elle utilise la force, on a aucun passif du style que elle a appris à maîtriser la force. Je suis désolé, il y a un truc qui va pas non plus là. Bah c'est instinctif chez elle, ouais, un Ouais, instinct de survie, mais c'est pour nous la faire on va revenir. dire c'est la fille de Vador. Ta gueule, c'est basique. Ah, ta gueule, c'est magique, c'est Ouais, Star Wars. ouais. On en rigole, mais ça, enfin, moi je pense que comme Fabien comme moi, ça a dû nous choquer, parce que pour qu'on Ah en parle ouais, comme bah ça. ouais. Moi je me dis, ah bah ça y est, elle est morte. Puis on va faire une petite référence. Bah elle s'envoie dans l'espace parce qu'elle s'envoie dans. C'est un petit peu une métaphore de son décès de l'année dernière, quoi. Et du coup, c'est dommage, parce que là, ils ont raté un élément émouvant qui aurait Ouais. fait pleurer les fans, comme la mort de Han Solo, quoi. C'est ça. En plus, je m'y serais pas attendu dans ce passage-là. J'aurais dit, waouh. Et en fait, non, ils la font revenir. Mais je dis, mais arrête, hein, c'est choquant. La mort de Luke, parce qu'on va parler de Luke un petit peu maintenant. La mort de Luke est quand même amenée de manière plus subtile. D'ailleurs, il y a cette espèce d'affrontement où il fait face aux espèces de Walker géants. Il y a Kylo Ren qui commence à éructer comme un imbécile, faire feu, alors qu'il y a Hux qui le. Mais Hux, c'est vraiment un personnage parodique quand tu regardes. La moindre scène, elle le ridiculise pour moi. Bon, en fait, les seuls moments où Hux est crédible, c'est quand il va au-delà des ordres de Kylo Ren. C'est le seul moment où il est crédible. Parce que dans les scènes où il est censé être aux commandes, là, il est débile. Donc tu parles de la crédibilité de Hux, mais bon, elle est quand même mise en déroute parce que le mec a pas le temps de faire deux pas, qu'il se fait déjà étrangler, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ah Donc bah. il est immédiatement ridiculisé. Donc ça va pas non plus. Donc on parlait de Hux, mais je vais parler un petit peu de Mark Hamill parce qu'il y a cette espèce de pirouette finale où il est face à l'armée des Walkers et de Kylo Ren, et on se rend compte qu'en fait c'est une projection astrale, enfin une projection de Jedi. Il paraît plus jeune et il sort son sabre laser, donc on va faire un bon combat, mais non, en fait, le mec est transparent, quoi. Je me demandais, moi, au début, je me suis fait piéger à part cette scène, hein, je vais te Ouais, le bah dire moi aussi, je me suis honnêtement. fait avoir. Je me suis fait complètement avoir par cette scène. Là, c'était bien tourné, par Ouais. contre. Ouais, on y voit Luke pris à partie par les tirs croisés. On se dit, bah, il peut pas survivre à ça, mais mec, la force, c'est impossible. Puis on commence à se dire, ils se foutent de nous. Et en fait, oui, le fait de savoir que c'est une projection, justement, de la force. Je me demandais aussi pourquoi il esquivait les attaques, il répondait pas. Et celle-là, c'était bien amené. Là, l'effort scénaristique était bon. Ouais, mais une pirouette sur une film de 2 h 30, c'est un peu faible quand même, Ah, ça va pas racheter tout le hein. film. Ouais. Mais pour vous dire que quand ils veulent se donner les moyens de faire quelque chose de bien, ils peuvent y arriver. On peut aussi parler de la présence de Yoda, parce que toi tu dis, ouais, tu m'as dit tout à l'heure, ouais, Yoda, mais pourquoi pas avoir rappelé Obi-Wan et pourquoi pas Anakin Skywalker? Ouais, donc pour revenir au passage, à un moment, Luke Skywalker est en plein doute, il veut brûler les traces des derniers Jedi qui consistent en un arbre et quelques livres. Ouais. Et d'un coup, Yoda apparaît pour conseiller encore une fois son jeune Luke, comme il l'appelle, le jeune Skywalker, alors qu'il est plus jeune du tout. Et on y voit un Yoda, moi j'ai pas réussi à voir s'il était en animatronique ou en image de synthèse. Je vais essayer, mais je suis pas sûr. Je pense que dans les plans plus larges, ça doit être un personnage numérique, mais peut-être en rapprochant, c'est peut-être une marionnette. Parce que j'ai vu aussi le nom de Frank Oz au générique. Donc c'est lui qui anime la marionnette dans l'Empire contre-attaque. Là, ils ont peut-être fait un mélange des deux. Mais c'est vrai qu'à un moment, on voit donc Yoda arriver, qui conseille Luke, et puis tout d'un coup, on se dit, bah Yoda, ouais, d'accord. Puis on se dit, chouette, c'est Yoda. Moi, la première fois, je me dis, c'est, ah, il y a Yoda, c'est cool. Puis après, je me dis, bah, ils sont où les autres? Bah. S'attendait à voir Evan McGregor et Hayden Christensen, je sais pas, moi. Bah, ouais, on n'y voit pas Anakin Vador Skywalker, on n'y voit pas Obi-Wan, ni Obi-2, ni Obi-3. Enfin, ouais, on n'y voit que Yoda. Et on se dit, bah, les autres, non, rien du tout. Enfin, je veux dire, ils sont censés être au même niveau, quoi. C'est-à-dire s'évanouir dans la force. Et on n'y voit que Yoda. Alors, ça, bah, du coup, au début, on nous dit. Enfin, je pense que c'est pour du fanservice, hein, tout C'est simplement. Hein. ça, bon, c'était pire dans l'épisode 7 pour moi, mais c'est vrai qu'il n'arrêtait pas de semer un peu les graines du fan service pendant tout le film. Mais vraiment, comme je disais, c'est un coup de massue, quoi. C'est même pas subtil. Et je pense qu'on a fait le tour des personnages. Bon, les situations, des personnages, y a certains personnages, franchement, on se demande ce qu'ils vont faire. On n'a pas parlé aussi de l'amiral Holdo. Je sais pas ce que t'en penses de ce personnage qui, au début, paraît comme une traîtresse aux yeux de Poe Dameron, et puis finalement, elle se sacrifie pour que la rébellion puisse survivre. Bah, c'est vrai qu'à un moment, on se dit ça va être entre guillemets une mini antagoniste, hein, mais en fait, bah, elle suit les directives de Leia. Hein, on Ouais, c'est l'apprend à ça. la fin. Parce que, ah ouais, quand Poe Dameron dit oh Leia, puis qu'il se fait tirer dessus par Leia, eh, belle scène. Hein, franchement, là, on était content de le voir se faire shooter. Parce qu'on s'est dit, moi je me suis dit, oh, ils vont pas faire ça, ils vont dire bien joué, c'est bien, c'est ce qu'il fallait faire. Non, non, ça va, c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Donc là, tu vois, ils ont quelques prises de conscience où ce qu'ils font, bah, ça part dans le bon sens. Et puis à côté de ça. Ouais, mais est-ce que c'est pas un peu idiot de la part de Holdo de garder le secret par rapport à Dameron? Bon, qui est peut-être il a été rétrogradé parce que de toute façon il est un peu impulsif, même beaucoup. Est-ce qu'elle aurait pas dû le mettre au courant vu que lui il est quand même capitaine, hein, au lieu de garder le secret absolu comme ça? Bon, je sais qu'au niveau du spectateur ça aurait fait un peu moins effet de surprise. Quoique moi je trouve pas que du tout qu'il y ait un gros coup de théâtre non plus, hein, pour l'histoire du vaisseau, mais ah oui, ça aussi c'est complètement idiot. L'histoire de passer en hyperespace, tu passes à travers un gros Star Destroyer maintenant. Moi, j'aurais su ça, au lieu de faire massacrer tous mes troupes et je veux dire tous les vaisseaux qui sont morts et tous les, ben moi j'aurais quand même tenté ce coup-là avant de pour avoir sauvegardé, parce que là, qu'est-ce qui reste à la fin? finalement? Bah, il reste quoi, une 300 personnes qui sont dans le qui s'entassent dans le faucon? Non, pas du tout, ils sont même pas 10. Non, non, Non. non, ils sont pas 300, ils sont même pas 10. J'aurais le nom des acteurs, je pourrais faire la liste, hein. Allez, une vingtaine à tout casser en comptant les porgs, mais sinon. Non, voilà. Génial, ça. La scène de destruction du vaisseau de Snoke, Elle est nulle. c'est une facilité Mais c'est scénaristique. On nous nul. fait monter l'ambiance crescendo, crescendo, Ouais. crescendo, et après on nous fait un Deus Ex Machina pour la fin, quoi. Ouais. On a le moyen de détruire le vaisseau depuis le début, mais on le fait à la fin parce que sinon, vous n'avez pas les chocottes. Bah, c'est encore une tare du film, hein, c'est que finalement, le suspense, il fonctionne pas tellement, hein. On regarde ça, c'est fade, le résultat est fade. Bon, on est là plus en consommateur qu'en spectateur. C'est une très bonne remarque, c'est exactement ça. On est là pour consommer du Star Wars, pas pour apprécier du Star Wars. Et c'est quelque chose qui me gêne dans ce film. Bah moi au niveau des spoilers, ce que je vais dire c'est que bah regardez le 6, voilà, vous avez la trame scénaristique. Ouais, en fait, c'est un mélange du 5 et du 6, ce film. Voilà. Parce qu'on retrouve l'évacuation de Hoth, la bataille de Hoth avec les Walkers. On a la scène de finale sur l'étoile de la mort entre Vador et Luke et l'Empereur. Bah, il y a la scène du casino, c'est un peu la scène de la Cité des Nuages. En plus, il y a une histoire de trahison, donc il y a du Lando là-dedans, mais c'est un Lando qui est vraiment pas super, quoi, je veux dire. On a aussi la scène de bagarre avec les gardes du corps de Snoke, qui nous fait penser à des scènes de bagarre de Jedi et de Sith dans la prélogie. Il n'y a rien de neuf. Il n'y a rien de neuf dans ce film. C'est soit de la prélogie, enfin vraiment des petits morceaux, que ce qui a plu. Et moi je vais juste dire que bah voilà, c'est un film qui est pas terrible et que bah là ils ont pas besoin d'un Jar Jar Binks pour couler un Star Wars. C'est quelque chose qui est en train de couler. Ils sont en train de couler une franchise. Moi, je veux te dire franchement, je vais quand même aller à les pieds un petit peu de plomb pour aller voir le neuf, parce que déjà les personnages sont pas très intéressants. Il n'y a plus l'ancienne génération. On n'arrive pas à s'attacher à la nouvelle Ouais, génération. bon, l'actrice Daisy Ridley, elle est encore pas trop mal, elle s'en sort pas trop mal. Mais moi, John Boyega, Oscar Isaac ou Adam Driver, moi, il m'a un peu de marbre. Hein. Les personnages, ils sont quand même assez uniformes hein, quand tu les regardes bien. Voilà, comme pour l'épisode 9. Puis l'année prochaine, on aura le spin-off sur Han Solo en décembre normalement. Ben, on va voir ce que ça donne parce que bon, Rogue One était pas mal. Après, ben, il y aura l'épisode 9. Il est prévu que Rian Johnson écrive la nouvelle trilogie qui aura lieu. Il a dit au début, il y avait beaucoup de suppositions comme quoi ce serait axé sur l'ancienne République, soit 1000 ans avant la trilogie originale, donc avec les Jedi et les Sith. Et là, ben, il va faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il va nous faire encore? Il va encore nous faire un réchauffé de la prélogie? Enfin, je sais pas ton opinion sur cette nouvelle trilogie. Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que ça t'enthousiasme? Bah non, ça rejoint exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils sont en train de tuer une franchise. Moi, Ouais. j'attends plus rien des prochaines trilogies. Ils arrivent pas à se renouveler. Après, est-ce qu'on a fait le tour de l'univers Star Wars? Bah moi, je dirais clairement que non. Il suffit de voir ce qui a été fait sur l'univers étendu. Ils ont pas voulu faire pour l'univers étendu. Alors, soit par peur des spoilers, ou soit par peur de dire, voilà, les fans, ils vont pas être contents parce qu'on prend l'univers étendu, ils vont dire que vous n'en avez pas d'imagination. Bah là, on est en train de se dire exactement la même chose. Ils auraient parti sur l'univers étendu, il y avait plus de matière. Même s'il faut modifier pour que ça s'insère mieux, on va dire, dans la continuité. Mais là, c'est horriblement mal tourné, horriblement mal amené. Et du coup, ben voilà, le 9, moi j'irai le voir pour voir comment ça termine, sans passion. Ouais, c'est ça, c'est sans passion, c'est en tant que consommateur, on va dire. On va consommer du Star Wars. De toute façon, tu dénonces aussi le manque de créativité, mais moi je pense que ce soit les romans et il n'y a aucune prise de risque non plus, là, on tourne autour de la trilogie originale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bandes dessinées qui se situent entre l'épisode 4 et 5, et là ils peuvent aussi, et il y a, je sais pas, il y a au moins 3-4 séries sur Dark Vador. Donc ils veulent capitaliser absolument sur le personnage de Dark Vador dans les bandes dessinées. Et je trouve que là, il n'y a aucune prise de risque. Ils veulent pas voir plus loin que la trilogie originale. Ils ont dit que de toute façon, la prélogie, ils voulaient plus en entendre parler. Mais je sais pas, mais ils vont continuer comme ça longtemps, à traîner des pattes comme ça. Ils ont pris des risques dans la prélogie. Alors, on peut aimer, on peut pas aimer, mais au moins ils ont pris des risques. Ils ont proposé quelque chose de nouveau qui s'aligne dans une Ouais, mais continuité. c'était, excuse-moi, mais c'était pas encore Disney, là, c'était Lucasfilm. Là, je te parle moi, de la franchise Star Wars, hein. Que ce soit Ouais, Disney ou Lucasfilm, ouais. voilà, ils ont des réalisateurs, ils ont des écrivains, ils ont des mecs qui travaillent pour eux. Ils ont pris plus de risques dans la prélogie et ça a mieux marché. Enfin, je veux dire, on prenait quand même part. On avait envie d'en voir plus. On avait envie de voir le deuxième, on avait envie de voir le troisième. Là, on nous sert quelque chose que, qu'on connaît, donc on n'a pas envie de voir quelque chose qu'on connaît. Et encore, on pourrait hein, partir sur un truc nostalgique, etc. Mais enfin là, ça fait vraiment, on fait pas d'effort, on prend pas de risque, on a une base de fans. Je crois même que là, du coup, je pense qu'ils sont en train de se dire qu'ils ont une base de consommateurs. Et ben, on fait avec ça et puis on fait un maximum de blé. J'espère que pour l'épisode 9, ils vont pas nous ressortir une quatrième étoile de la mort, parce que là, ça, je crois que ça achèverait la franchise, là, encore pire. Bon, moi, ce que j'attends dans l'épisode 9, c'est des Ewoks, Ouais, pourquoi pas, Faucon ouais, Millenium. exactement. Non, mais c'est Les porcs qui incroyable. vont muter, tu vois, un truc comme ça. Enfin, voilà, on troll un peu là-dessus, mais c'est pour bien que vous compreniez qu'il y a une réelle déception. Ah Parce qu'il ouais. y a beaucoup de mode en ce moment de descendre ce qui se fait, hein, mais moi, je suis pas partisan de descendre ce qui se fait, parce qu'il y a quand même des gens qui travaillent derrière. Et là, j'ai eu l'impression qu'il y a des gens qui travaillaient, mais pas dur, hein. Juste, on continue sur notre lancée, et on prend pas de risques, et de toute façon, les gens, ils vont aller le voir. Ouais, puis t'as l'impression que les réalisateurs, que ce soit Abrams ou Johnson, bah c'est des mecs qui ont grandi pendant juste après, je crois qu'ils sont assez jeunes hein, les mecs, mais ils ont pas connu la trilogie au cinéma, ils ont peut-être vu la prélogie, mais ce sont des fanboys. Et tout ce qu'ils savent faire, c'est recycler c'est parce que ce qu'on appelle les financiers de Disney, ils veulent de la valeur sûre, ils veulent du réchauffé, ils veulent que ça leur rapporte des millions et qu'ils veulent pas de prise de risque. Et c'est un peu le problème de tous les reboots et de tous les remakes de maintenant. Le seul qui a pris des risques pour l'instant, je crois que c'est la planète des singes, c'est qui était très différent de. Nantor aussi a pris des risques énormes et regarde, ça a payé. Waititi a fait un film qui a payé, Ouais, mais quoi. pas les trois films. Non, Moi, je te parle de la trilogie dans sa globalité. Non, je te parle, tu parles de pas de prise de risque en ce moment. La planète des singes, à part les effets numériques, on reviendra dessus sur un sujet sur les effets spéciaux qui desservent et qui desservent les films. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de prise de risque. Et par contre, au niveau, on va prendre Thor, les deux premiers étaient passables. Et là, il y a une réelle prise de risque. On sort complètement de ce qui se fait sur Thor. On n'arrive plus dans ce qui se fait Gardien de la Galaxie, dans ce qui a marché. Et là, ils ont fait une prise de risque qui était payante. T'as pas compris ce que je voulais dire. C'est que ils ont pris prise de risque dans le sens que ils ont pas refait la planète des singes telle que ça a été compté en 68. Ils ont fait autre chose. Ils ont fait une espèce de préquel reboot. Et là, bah, ça a payé parce que c'est de bonne qualité. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme Star Wars que c'est un reboot remake tout ce que tu veux. Et les autres remakes, les reboot, style Ghostbusters ou je sais pas quoi. T'as peut-être des exemples en tête. On va prendre Godzilla. Ouais aussi, On ouais. a un pur chef-d'œuvre 56 et on a un film de merde en 2016. Donc, par exemple, là, c'est bien de vouloir faire des reboots ou des successions, etc. Mais voilà, on va rejoindre ce qu'on dit souvent. S'il n'y a pas de travail derrière de la part des scénaristes et des producteurs et des metteurs en scène, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein. Servez-nous de la soupe. Il y a un moment, on va en avoir marre de la manger. On va aller regarder ailleurs s'il y a quelque chose qui existe de mieux. Ouais, apparemment, le problème c'est que le public y suit toujours. Le problème, c'est le public suit parce Ouais. qu'il y a du consumérisme derrière. Ouais. Mais le Terminator, le public avait suivi jusqu'à un moment où ça a dit stop. Ah oui, avec Genesis qui était pas du tout bon, y a pas fait tellement d'entrée que ça le dernier Terminator Genesis, même avec Renaissance, il s'était déjà planté. Voilà, on est en train de tuer une deuxième franchise. La franchise Star Trek qui s'en sort mieux, je trouve. Ils ont refait une prélogie, préquelle, Ouais, enfin un préquel. reboot. Reboot, Bon, on sait ouais. plus trop parce que c'est l'univers C'est Kelvin. reboot, ouais. Là, ça s'en sort mieux. Pourtant, il y a quand même des prises de risque, hein, parce que là, les fans de Star Trek ont quand même beaucoup gueulé au premier Star Trek. Et là, Star Wars, ben voilà, vous prenez pas de risque, mais ben, du coup, vous renouvelez pas. Et du coup, ben, les gens comme moi, pour Fabien, il m'en dira ce qu'il veut, mais le 9, ils vont y aller avec les pieds de plomb. Et le 10, 11, 12, est-ce qu'on va y aller? Ouais, ça c'est autre chose. Parce que si on propose rien de neuf, pourquoi on se déplacerait finalement? Est-ce qu'on va pas attendre finalement la sortie DVD ou en VOD, tu sais, pour voir sur un grand écran, peinard chez nous parce que ça sera mieux quoi. Ouais, mais moi pour Star Trek, je suis pas tellement de ton avis parce que moi je trouve que ce reboot est complètement raté. Mais c'est pas parce que Abrams n'est pas un fan de la saga et ça se voit bien parce que il a complètement raté dans le sens que il a voulu faire du Star Wars avec Star Trek, c'est-à-dire du spectaculaire. Et Star Trek, c'est pas ça, c'est l'exploration spatiale, il y a quelques combats spatiaux. T'aimes bien Star Trek Discovery? Moi je trouve pas que ça rejoint l'esprit des films d'Abrams, hein, finalement. Star Discovery, on est plus dans une philosophie de rencontre avec les extraterrestres, on passe d'un monde à un autre. Il y a aussi un esprit Star Trek que moi, Abrams, qui a complètement fusillé. Bah, fusiller l'esprit pour créer du neuf, pourquoi pas, si ça fait venir. Mais Ouais. après, voilà, là par exemple, Star Wars, on fait le contraire, ils sont restés sur leur lignée, et conclusion, ça s'épuise. Donc là, c'est un débat qu'on pourrait aussi lancer, hein. Dites-nous ce que vous en pensez aussi, si vous préférez, entre guillemets, voir une saga s'épuiser à ce niveau-là, ou si vous préférez avoir des reboots où moi je pense personnellement qu'il faudrait ni l'un ni l'autre, mais qu'il faudrait que les scénaristes se tirent un peu les doigts du pour pouvoir proposer quelque chose d'innovant et qui peut aussi aller dans une continuité pour l'aspect nostalgique. Ouais, c'est ça, il y a un petit peu des deux, mais avec de la subtilité. Parce que dans les nouveaux Star Wars, il n'y a aucune subtilité. On te le balance à la tronche, quoi. Bah là, on nous a servi un film fast-food. On nous C'est sert ça. un film, Sorti de consommez-le, là, consommez-le vite, sortez de là ouais. et allez voir la suite. Et puis, bah, tu l'as oublié, mais de toute façon, il joue. Autant, j'oublierai jamais les films des années 80, ça, il n'y a pas de souci. La prélogie, je la retiendrai mieux Ah ouais, c'est sûr. que ce qui vient d'arriver là. Ouais, c'est sûr que y a une réelle déception. Bah, moi, je te l'avais dit, hein, j'étais vachement enthousiasme. Je me suis dit, ah, peut-être que le 7e n'est qu'une mise en bouche finalement, avec du rappel. Et bah, il continue à battre le rappel des fans. Hein, c'est clairement ça dans le 8. Hein. Moi, je veux ajouter juste, essayer de nous éclairer si vous avez aimé ce film, de ce que vous avez aimé dedans. Je pense que, étant donné qu'on connaît la saga Star Wars depuis des années, peut-être qu'on n'est pas objectif. Enfin, j'ai quand même du mal à. J'essaye de me convaincre, mais j'y arrive pas trop. Hein, parce que là, vraiment, là, j'ai beaucoup de mal à tenir le film. Beaucoup, beaucoup de mal. Ouais, voilà, je partage tout à fait ton avis. Et bah, pour moi, la franchise de Star Wars, de toute façon, je revois toujours les vieux épisodes avec bonheur. Et puis les nouveaux, bah, j'ai regardé une fois le 7e parce que pour me convaincre, peut-être que la première vision, elle m'avait donné faux, je vais dire. Peut-être que je m'étais trompé, mais au bout de la deuxième vision, bah, je crois que j'avais clairement établi mon avis et il était pas du tout bon, quoi. Voilà, donc huitième épisode pas concluant, et pourtant des spin-offs très concluants, comme quoi ils savent faire quand ils veulent, donc bah, dites-nous ce que vous nous en pensez. Et moi au niveau de la note, alors Ah finale, oui, la note, c'est vrai, la la note. fameuse Ça note serait de une ce note sur Star Wars, 5, ouais. je vais lui donner une note en dessous de Mazinger Z, pour vous dire, je vais lui donner 1,8 sur 5. Allez, je vais mettre un 2 quand même, pour Yoda. Le côté obscur est le plus fort? Non. Non. Non. Plus rapide, plus facile, plus séduisant. Mais comment reconnaître le bon côté du mauvais? Tu le sauras quand tu seras calme, en paix, passif. Un Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense, jamais pour l'attaque. Merci d'avoir écouté cette pastille jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et aussi partager l'émission pour la faire connaître. À À la la prochaine! prochaine!